CRM 430, incorrupté en pâté record. C'est un son sous perfusion, je retranscris la dans le fond. Mon mic est comme une sanction qui s'abat sur la corruption. Des fonctions policières ou MC vendant leur cul aux enchères. Jusqu'aux filiations dans les couloirs des ministères. Des fonctionnaires qui se trichent des lignes, qui se sucrent sur scène, qui tapinent, manchissent l'argent dans des limousines. Pour les mains remplies de vaseline. La médecine et ses réservoirs d'organes. Fils de pute qui vend son âme. Elle femme comme dans un stuff movie pourri comme les beaux tuyaux. Des guis falsification de pièces à conviction. Transaction par sous d'avion. La pense vidée pour transporter la coke sous forme de ballon. Des millions qui disparaissent comme étant des frais généraux. Réseau insalubre où les bottes faits deviennent des joyaux. Bookmaker payant l'ardoise pour pas scier des barreaux. Les jeans attendent avec des faux, des Champs-Élysées jusqu'au palais des presse évêques du 4000. MGR la lame de fond comme un CEO en taille et qui t'ai repéré les traîtres et la faille des caméléons. La corruption met le visage de masque de l'illusion. La 430ème gardison cherchant maille de poudre à canon. MGR la lame de fond comme un CEO en taille et qui t'ai repéré les traîtres et la faille des caméléons. La corruption met le visage de masque de l'illusion. La 430ème gardison cherchant maille de poudre à canon. Corruption sous corruption. Corruption sous corruption. Tous plongés dans la face obscure d'un complot universel où les actes les plus violents sont toujours classés confidentiels. Prenant les faiblesses du monde comme argument est devenu un rituel. Au cœur d'un gouvernement qui vit dans un monde virtuel. Impliqué dans le tournement des biais humanitaires en touchant leur commission à chaque passage de frontière. Ce qui inquiète n'est sûrement pas la misère qui touche une partie de la terre, mais plutôt les zéros en plus marqués sur leur compte bancaire. Une affaire de plus cassée sans suite, étouffée par la pression politique exercée sous pratique illicite. Ayant la main posée sur certains trafics. Le diagnostic d'une société devenue asthmatique, écrasée par son manège machiavélique. Une sale réalité qui laisse un arrière-goût amer à chacune de ses sentences, tous militants pour la même guerre. Pouvant subir les conséquences, un assaut révolutionnaire sur la ligne de défense. MGR 430 résistance. MGR la lame de fond comme un CEO en taille et qui t'ai repéré les traîtres et la faille des caméléons. La corruption met le visage de masque de l'illusion. La 430 comme gardison cherchant maille de poudre à canon. MGR la lame de fond comme un CEO en taille et qui t'ai repéré les traîtres et la faille des caméléons. La corruption met le visage de masque de l'illusion. La 430 comme gardison cherchant maille de poudre à canon. Mon rap est corruptible à la berlue. Il en a trop vu de tous ses pouvoirs un abus. Corrompu, ministre coquette un million pour laver son cul. De bon sens déchu joué avec un dû de manière crue. Du ministère à la rue, l'argent ne sent rien mais ça pue. Le vice a plein nez dans ses coulisses. Rien n'est pénalisé, ça glisse de manière trop aisée sous les tabacs de trois cassettes non appréciables. Trafiquant, métier stable, emploi durable, non repérable, si couverture non négligeable. Le haut rang prend le devant, monopolise le marché. Dans les procès, seuls ceux qui savent sont envoyés chier, écartés pour étouffer la vérité. Le pouvoir, synonyme de mensonge, le notoire à l'âme noire replonge pour éponger sa dette de jeu. Un déboire de plan vicieux, un trottoir trop onéreux. MGR, la lame de fond comme un CEO en taille ou qui t'ai repéré les traîtres. La faille des caméléons. La corruption met le visage de masque de l'illusion. La 430ème gardison cherchant maille de poudre à canon. MGR la lame de fond comme un CEO en taille ou qui t'ai repéré les traîtres. La faille des caméléons. La corruption met le visage de masque de l'illusion. La 430ème gardison cherchant maille de poudre à canon. Connexion Belgique France 430 MGR est corrupt en pathique.